Dis papy, c'était comment quand t'étais petit, toi? Quand j'étais petit? Oui, quand t'étais grand comme moi. Qu'est-ce que tu faisais? Oh ben, c'était pas du tout comme maintenant, tu sais. Il n'y avait pas la télé à la maison, par exemple. T'avais pas la télé? Non, elle existait déjà, mais on ne l'avait pas à la ferme. Tu sais, je t'ai raconté que je vivais dans une ferme, à la campagne, avec mes parents. La télé, c'était un luxe à l'époque. Et alors, qu'est-ce que tu faisais le soir après l'école? Oh, on s'amusait bien. Ce dont je me souviens le plus, c'est qu'avec les petits voisins, on jouait tous ensemble. Et puis on avait des vaches, un cheval, trois chiens. Et j'avais un vélo que papa m'avait acheté pour mes 7 ans, et dont les pneus étaient complètement usés. On était toujours dehors, sauf quand il pleuvait. Et le dimanche? Quand j'avais bien travaillé pendant la semaine, j'allais avec mon père ramasser des champignons, et plus tard même chasser des lièvres. Et pendant les vacances? Pendant les vacances? Oh, et ben, je partais presque tous les ans en colonie de vacances au mois de juillet. Sinon, je restais à la ferme. Mais on ne s'ennuyait pas, tu sais. On grimpait aux arbres, on se baignait dans la rivière, et puis j'adorais les pique-niques. On allait aussi aux fêtes des villages, et en septembre, on faisait les vendanges. C'était mieux que maintenant? Je ne sais pas si c'était mieux, c'était différent. La vie était dure aussi, tu sais. Allez, viens, on parle, et mamie nous attend. Elle a préparé ton gâteau préféré. Le mercredi, c'est super. Pas d'école l'après-midi, papy vient me chercher, et mamie me fait des gâteaux.